À l'occasion du 105e anniversaire de naissance du président Kim Il-sung, un rendez-vous entre les adeptes âgés des idées du Juche et les adeptes des jeunes générations a eu lieu le 16 courant au Palais de la Culture du Peuple à Pyongyang, sous les auspices de l'Institut international des idées du Juche. Y ont pris part les délégations et délégués des organisations d'études des idées du Juche de divers pays et régions en visite en Corée à l'occasion de la Journée du Soleil. On y a adopté une lettre à l'adresse du dirigeant suprême Kim Jong-un.